Avec le temps, le tantra nous enseigne à retenir un orgasme pour atteindre le nirvana, l'instant ultime où l'on se répand sur le monde. Alors je laisse mon corps se remplir jusqu'à ras-bord. Mais putain, ça c'est dégueulasse! Ah, j'ai trop la gerbe! Anthony Matrique, j'ai quelque chose de magnifique, c'est le sexe tantrique, et avec ça je nique pendant des heures.